parce qu'on est bien dans la peau de l'humain. Salaud et puis lâche, comme l'ivrogne qui se cache, tout seul au monde, les yeux vers les étoiles, un pied dans une tombe, l'autre dans le caniveau. Parce qu'on est bien, le cerveau qui s'éteint, les mots qui se tâchent, et la trogne qui s'arrache, tout seul au monde, à mettre les voiles, noyé dans l'immonde, la tête dans les égouts. Parce qu'on est bien. Parce qu'on est bien dans la peau de l'humain, salaud et puis lâche, comme l'ivrogne qui se cache, tout seul au monde, les yeux vers les étoiles, un pied dans une tombe, l'autre dans le caniveau. Parce qu'on est bien, le cerveau qui s'éteint, les mots qui se tâchent et la trogne qui s'arrache, tout seul au monde, à mettre les voiles, noyé dans l'immonde, la tête dans les égouts. Parce qu'on est bien. Parce qu'on est bien. Parce qu'on est bien.